أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، عندما يظل المسلمين زمان هذا الشهر المبارك شهر رمضان، يقف أولو الألباب بين جمال المناسبة وجلالها، وبين الفرحة الغامرة باستقباله، وقفة يذكرون فيها أيضا تلك الفرحتين التي أخبر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. واللفظ للبخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الحديث. وفي لفظ لابن خزيمة: فرح بجزاء صومه. وإن هذا التذكر ليحملهم على التفكر في بواعث هذا الفرح وأسباب عقوعه وحقيقة الصوم المتعلقة به. إنهم يعلمون أن صوم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، ومن لم يحفظ سمعه وبصره وجوارحه عن التلوث بأرجاس الخطايا، ليس المقصود. كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. أخرجه النسائي في سننه الكبرى وابن ماجة، واللفظ له بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويعلمون أيضا أن صوم من يصوم عادة لأن أهل بلده صاموا، فكان لزاما عليه أن يصوم مجاراتا لهم، ليس المقصود أيضا. وأن صوم من يصوم متبرما متأنفا متأففا متضجرا منه ومستثقلا له، مسرفا على نفسه ببغضه والنفور منه، متمنيا سرعة انقضائه ليعود إلى ما كان عليه من ضلال السعي الذي يورث عظم الخسران، يعلمون أن هذا الصوم ليس المقصود أيضا. إنه عندهم شيء آخر مختلف، إنه صوم أولئك الذين ينهجون فيه نهجا سديدا ويسلكون مسلكا قويما يبلغهم أسمى الغايات وأرفع الدرجات عند ربهم يوم يلقونه. إنه صيام الذين يستقبلون شهرهم عاقد العزم على اغتنام فرصته في كل ما تزكوا به نفوسهم في كل ما تزكو به نفوسهم وتظهر به قلوبهم وتحفظ به ألسنتهم وأبصارهم وكافة جوارحهم. إنه صوم من يصومه إيمانا، لأنه حق وطاعة وقربى يزدلف بها إلى مولاه، واحتسابا للأجر عنده عند الله وحده، وأملا في الحظوة بالجزاء الصافي والأجر الكريم الوارد في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكنه يا عباد الله غفران مخصوص عند جمهور أهل العلم بما دون الكبائر، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة النصوح ورد الحقوق إلى أهلها إذا تعلق بحقوق العباد، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والصيام الذي يعدون ما الله تعالى في هذا الشهر في فيض العطاء وسعة الفضل وكريم الإنعام ومنع الشياطين من التسلط على الصائمين صوما حوفظ على شروطه وروعيت آدابه واجتنبت كل ما يقدح فيه، ويدعون ذلك باعثا على شدة الاجتهاد وكمال الحرص على التعرض لنفحات الرب تعالى التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما، واللفظ للبخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. ويجعلون من هدي نبيهم صلوات الله وسلامه عليه في هذا الشهر خير عدة وأفضل زاد، فإنه كما قال الإمام ابن القيم: أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإكثار من أنواع العبادات، فكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. وكان يحض رمضان أو يخص رمضان من العبادة ما لا يخص غيره من الشهور. وكان جبريل يدارسه القرآن كل ليلة، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، أي المتصلة الدائمة بلا انقطاع. عباد الله، إن أولئك الذين ينهجون هذا المنهج ويهتدون بهذا الهدي هم الذين تكون لهم العقبى بكمال السرور وعظيم الفرحة حين يلقون ربهم لما يجدونه عنده من جزيل الثواب وعظيم الثواب ونزول في رفع الجنان. وحق لمن أحسن الحرث وانتقى الكسب وأطاب الغرس أن يفرح بحصاده يوم الحصاد. وأما من لم يحسن حرثه ولم يطب غرسه فأنى لمثله أن يفرح يوم يفرح المؤمنون بفضل الله ورحمته. فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا على كل ما واعملوا على كل ما يبلغكم أكمل السرور وعظيم الفرح من حسن استقبال شهركم بكل ما يليق به من جد واجتهاد واستباق للخيرات، وأروا الله من أنفسكم فيه خيرا، فإنها والله فرصة ما أعظمها وما أعظم فوز من اغتنمها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، تقدموا وتفسحوا يفسح الله لكم. Essayez de vous rapprocher, faire un peu d'espace. Il y a une dizaine de frères qui sont dans l'entrée et qui n'ont pas de place pour s'asseoir. Faites un peu d'espace. جزاكم الله خيرا. Faites un peu d'espace, soyez généreux. Soyez généreux. La générosité, ce n'est pas seulement avec de l'argent. La générosité, ce n'est pas seulement avec de l'argent. La sadaqa, ce n'est pas seulement avec de l'argent. Tu fais un espace pour ton frère, c'est une sadaqa. Et les sadaqas dans le ramadan sont multipliées. Ça, c'est une sadaqa. Vous faites un espace pour votre frère, vous lui faites une sadaqa, vous avez une grande récompense au jour de la résurrection. Peut-être que vous laissez une place pour votre frère, Allah Azza wa Jal, il vous donne une place au paradis pour cette place que vous avez laissée pour votre frère. Ibad Allah, Ibad Allah, inna farhat as-sa'im bi sawmihi لا يقتصر على معرفته بما أعده الله للصائمين من كريم الجزاء وحسن الثواب، بل لأن الصيام أيضا من أعظم أسباب التقوى، كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام كما قال بعض أهل العلم هو الطريق الأعظم إلى الوصول إلى هذه الغاية التي فيها سعادة العبد في دينه ودنياه وآخرته. فالصائم يتقرب إلى الله بترك المشتهيات وتقديما لمحبة ربه على محبة نفسه، ولهذا اختصه الله من بين الأعمال كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. الحديث. وفيه من زيادة الإيمان والتمرن على الصبر والمشقات، وأنه سبب لكثرة الطاعات من صلاة وقراءة وذكر وصدقة وغيرها، وما يحقق التقوى، وفيه من ردع النفس عن الأمور المحرمة من أقوال وأفعال، وما هو من أصول التقوى. ومنها أن فيه من مراقبة الله سبحانه وتعالى من ترك ما تهوى النفس، مع القدرة عليه لعلمه باطلاع الله عليه ما ليس في غيره، وهذا بلا ريب من أعظم العون على التقوى. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل سوطته، فتقل معاصي العبد. فلا عجب إذا أن يشعر المسلم بالفرحة البالغة كلما مر عليه شهر الصيام، وأن يستقبله خير استقبال. Serviteur d'Allah, préservez-vous d'Allah et réjouissez-vous de l'entrée de ce mois béni Et nous venons de passer la première semaine parmi les semaines de ce mois de bénédiction et de grâce de la part d'Allah Azza wa Jal, en espérant que la plupart d'entre vous, ou bien que chacun d'entre vous, a pu en profiter dans son maximum, et a pu en profiter dans tout ce qu'il y a de bien, des bonnes œuvres que Allah Azza wa Jal nous a légiférées, de la récitation du Coran et de l'établissement des prières et de salawat, et dans le fait de pouvoir également dépenser de nos biens et de faire des sadaqat et d'aider ceux qui sont dans le besoin et de nourrir les gens qui ont faim, et ainsi que toutes les autres formes d'adoration qui sont aimées d'Allah. Et il reste encore 3 semaines ou plus pour continuer dans ces efforts. Ce n'est que le début. Et donc c'est pour nous encourager, Inch'Allah, à faire plus dans les jours à venir et à augmenter d'efforts et ne pas être comme celui qui a manqué le train. Le train est passé, il l'a manqué. Et après, il est parti, il dit, ah, trop tard maintenant, le ramadan est fini. Parce que mes frères, le ramadan, il passe extrêmement rapidement. Et peut-être que maintenant, alors qu'on est dans ce mois, on s'en aperçoit pas. Parce qu'on voit les jours qui passent, et pour certains, ce jeûne, il est long. Pour certains, ils ne font qu'espérer que les jours passent plus vite pour pouvoir en terminer, pour pouvoir en finir. Parce qu'ils voient le ramadan comme un fardeau, comme une charge, comme une punition presque. Et donc ils ont uniquement hâte que ce mois-là se termine, parce qu'ils n'ont pas compris la réalité de la grandeur et de la valeur de cette adoration bénie. Et c'est pour cette raison-là que ces gens-là ne sont pas inclus dans la signification du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il clarifie que le jeûneur a deux joies dans lesquelles il va se réjouir. Et la première, c'est lorsqu'il brise son jeûne, il se réjouit. Et la deuxième, qui est la plus importante, c'est lorsqu'il va rencontrer son Seigneur au jour de la résurrection. Mais bien entendu, cette joie que ceux qui ont jeûné vont ressentir au jour de la résurrection quand ils vont rencontrer leur Seigneur, eh bien ça, c'est ceux qui ont jeûné dans son sens réel et qui ont compris la réalité de ce que signifie de faire ce jeûne du ramadan. Et que le jeûne du ramadan, ce n'est pas seulement de s'abstenir de boire et de manger ou d'avoir des rapports intimes pendant le jour, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, mais c'est également le jeûne du corps, dans le sens que le corps doit s'abstenir de faire ce qui déplaît à Allah et de commettre des péchés avec sa bouche ou avec ses membres, avec son corps. Donc c'est pas seulement le jeûne de s'abstenir de manger et de boire, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans le hadith authentique que certaines personnes ne vont tirer de leur jeûne rien d'autre que la faim et la soif. Et certaines personnes ne vont tirer de leur prière de nuit que yani la fatigue et le fait de ne pas dormir. Pourquoi? Parce que ils jeûnent uniquement dans la forme, mais pas dans le fond et dans le sens réel de ce que signifie ce jeûne. Il y en a d'autres qui jeûnent parce qu'ils se sentent obligés de le faire de façon coutumière et de façon culturelle. Parce que tout le monde le fait, alors ils se sentent obligés de le faire. Et donc ils ne le font pas pour Allah Azza wa Jal. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, « Man sama ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. » C'est-à-dire celui qui a fait le jeûne du ramadan, imanan, avec la foi, il croit que ce jeûne a été prescrit et qu'il est obligatoire et que c'est une obéissance envers Allah Azza wa Jal. Wa ihtisaban, Il le fait uniquement pour obtenir d'Allah la récompense et le paradis et la grâce d'Allah Azza wa Jal et sa miséricorde. Et il ne le fait pas pour autre raison ou pour autre chose. La même chose pour celui qui fait les prières de nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man qama ramadan imanan wa ihtisaban ». Ces deux mots-là qu'il a mis dans ce hadith en disant « imanan » et en disant « ihtisaban ». Beaucoup de musulmans, ils passent par-dessus sans réellement prendre le temps de les analyser et de les comprendre et de comprendre la profondeur de ce qu'ils impliquent. « Imanan » avec foi. Pour avoir la récompense d'Allah Azza wa Jal uniquement et rien d'autre. Donc ça c'est très très très important. Et j'avais une réflexion à propos de l'exemple de celui qui ne profite pas au maximum du mois du Ramadan par rapport à une histoire qui s'est passée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un compagnon qui s'appelle Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu. Et l'exemple du fait que lorsqu'il y a eu la bataille de Tabouk, il n'est pas parti avec les sahaba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. Et on voit dans l'histoire, quand il la raconte au début, qu'il dit, j'avais tout ce qu'il fallait pour partir dans cette expédition. Même que j'avais deux montures, contrairement auparavant. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, j'attendais et je remettais au lendemain. Et je remettais au lendemain. Je dis, demain, je vais me préparer. Et le lendemain, il dit, demain, je vais me préparer. Et quand les sahaba sont partis, ils ont commencé à quitter la ville, il les voit à une distance. Il dit, ah, je vais les rattraper, j'aurai le temps. Et puis le temps passe. Et après, une journée passe. Et il se dit, Je vais essayer, j'aurai encore peut-être le temps de les rattraper. Finalement, le temps est passé. Et il ne peut plus les rattraper, même s'il part. Et la liaison le lien que je voulais faire avec le Ramadan, c'est que certains d'entre nous, le mois commence et on se dit, aujourd'hui, je vais lire un hizb. Je vais lire un juz. Je vais essayer de compléter le Coran. Et puis il manque une journée. Après, il dit le lendemain, je vais me rattraper. Et je vais lire deux juz demain au lieu d'un. Comme ça, je vais compléter. Et le troisième jour arrive, et la même chose. Et le quatrième jour, et la même chose. Après, il dit, de toute façon, je vais lire deux juz d'un coup. Jusqu'à ce que la moitié du Ramadan soit passée, il n'a rien lu encore. Et il se dit, maintenant c'est trop tard, j'aurai jamais le temps de réciter le Coran au complet pendant ce Ramadan. Ou de le compléter deux fois. Alors qu'au début, il avait l'intention et la détermination de le faire. C'est pour dire qu'il ne faut pas attendre et il ne faut pas laisser passer cette occasion-là et rentrer dans le jeu du shaitan et de la procrastination de dire « Je vais remettre à demain, je vais faire ça demain, je vais en profiter demain. » C'est aujourd'hui que ça se passe et c'est maintenant que c'est le jour. Il faut en profiter maintenant. Et il faut demander à Allah Azza wa Jal son aide parce qu'on est dans le mois dans lequel les shayatines sont enchaînées. Les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Alors il faut s'encourager, se motiver. Et si on n'est pas capable de s'encourager tout seul, eh bien de chercher des frères qui sont pieux, qui sont vertueux, qui aiment le bien, pour nous aider et nous motiver à continuer à faire des efforts. Combien d'entre nous, on a un frère, un ami, qui nous dit, est-ce que tu as lu aujourd'hui? Est-ce que tu veux lire un hizb avec moi? Est-ce que tu veux lire une page du Coran avec moi? Est-ce que tu veux m'aider à faire quelque chose de bien? Si vous avez un ami comme ça, dites-vous, vous avez le meilleur des amis. Mais si vous n'avez pas un ami dans ce genre, ou si vous avez quelqu'un qui est seulement là pour vous distraire du bien, pour vous écarter du bien, chaque fois qu'il vous appelle, c'est pour vous suggérer une distraction ou vous écarter du bien, ou de la mosquée, ou de la salate. Écartez-vous de cette personne. C'est un ennemi. C'est pas votre ami. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه